Question 6. La rue en face est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accès est autorisé aux riverains uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D.